Bonjour, chers auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal. D'abord, les titres. Plus de 30 000 électeurs congolais ont commencé à voter ce dimanche pour les élections législatives, provinciales et présidentielles. 21 candidats sont en lice pour la présidentielle. Le gouvernement burundais prévoit la révision du mode d'octroi et l'obtention des parcelles. La décision a été prise en Conseil des ministres lors de la récente retraite gouvernementale à Gitega. Motif, les services en charge d'octroi de parcelles n'ont pas su bien gérer cette question, vous l'entendrez dans cette édition. Et plus de 600 ménages de la province Bubanza sont sans abri suite aux inondations qui s'observent dans ces jours-ci dans cet coin du pays. Les victimes demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Et beaucoup d'écoles de la province Gitega n'ont pas de matériel didactique pour la discipline sportive. Cela est dit par le responsable technique dans la zone de rayonnement sportif de la direction provinciale de l'éducation dans cette province qui demande l'intervention du ministère de tutelle. Voilà pour les titres. Emmet Ousemite aussi assure la mise en œuvre de cette édition. La présentation, Moïse Misago, bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page politique. Plus de 30 millions d'électeurs congolais ont commencé à voter ce dimanche pour les élections législatives, provinciales et présidentielles. 21 candidats sont à liste pour la présidentielle. À Lubumbashi, la seconde ville de la RDC, comme à Goma, dans l'est du pays, ou à Kinshasa, la capitale, les électeurs ont commencé à voter. Un électeur de Lubumbashi a dit à la BBC qu'il était heureux de glisser son bulletin de vote dans l'urne et de pouvoir choisir les personnes qu'il veut. D'après les médias congolais, les opérations de vote ont été retardées dans certains bureaux ou n'ont pas démarré ou encore ont été suspendues à cause des difficultés liées à l'usage des machines à voter, lit-on sur BBC. Ce scrutin se tient dans un contexte très tendu. D'abord prévu le 23 décembre, il a été repoussé ce dimanche 30 décembre. Un report d'une semaine dénoncé par l'opposition qui a appelé à une opération ville et morte pour protester contre cette décision de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La décision faisait suite à l'incendie de l'un des entrepôts de la CENI dans la capitale Kinshasa. L'entrepôt abritait des machines électroniques dont une grande partie a été consumée. La CENI a également reporté en mars prochain l'élection dans trois localités de la RDC, à savoir Beni, Butembo et Yumbi, en raison de l'insécurité et de la persistance de l'épidémie d'Ebola. Continuons cette édition par la page politique. Le gouvernement burundais prévoit de revoir le mode d'octroi et l'obtention des parcelles, aussi bien à Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Le président Pierre Nkurunziza l'a dit vendredi dans une conférence publique où il précise que la décision a été prise en Conseil des ministres lors de la récente retraite gouvernementale à Gitega. Pour le numéro 1 burundais, les services de l'urbanisme, société immobilière et ECOSAT n'ont pas su bien gérer cette question en rapport avec l'octroi des parcelles pour les constructions. Suivez le président Pierre Nkurunziza, traduit en français par Alain Désiré Bukeneza. Ibyo ariko sate na CIP na urbanisme kino kibazo twaratitoreye umuti turabona neza yuko les services de l'ECOSAT, CIP et urbanisme nous ont causé beaucoup de problèmes, si bien que l'attribution de parcelles est devenue comme une occasion d'enrichissement illicite. Cela est également devenu une menace à l'environnement. Ces services se prennent comme un état indépendant. Les places protégées ont été attribuées et construites la nuit. Vous voyez vous-même l'état de l'environnement actuel. Les hippopotames ne cessent de circuler dans les habitations. Et si demain, ça serait le tour des crocodiles, les terres cultivables ont été attribuées pour la construction. Nous avons ordonné à ces services de ne plus attribuer de telles parcelles qui devraient servir à une production agricole. Le pays doit être protégé. C'est pour cette raison que nous avons décidé, au cours d'une récente retraite gouvernementale, que toute attribution de parcelles à bâtir est suspendue. Et vous aussi, vous êtes appelés à nous appuyer et dénoncer ces irrégularités. Il n'y a aucun intérêt public derrière ces attributions. C'est regrettable de voir ici en province Ngozi, en province Gitega, Chankuzo et ailleurs, des parcelles attribuées de cette manière restent non bâties. iri kirakorerwa mu kino gikogwa birabaje kubona nk'ahantu badutse bagenda nga mu ntara ya Ngozi mu ntara ya Gitega za Cankuzo za hehe arahantu bagiye bagaca ibibanza kugize n'umutse ntibarahubaka. Le président Pierre Nkurunziza annonce que pour en finir avec les problèmes liés à l'habitat, son gouvernement prévoit la construction des maisons en étage avec le concours des investisseurs et certaines institutions et l'on va adopter le système de location-vente comme cela se fait dans d'autres pays. Encore une fois, le président Pierre Nkurunziza. Tout ce qui est le cas, c'est que le président Pierre Nkurunziza annonce que le gouvernement nous le ferons de façon à ce que les mêmes services soient mis en place. Les parcelles vont revenir à l'État et gérées par le ministère de l'Agriculture, Élevage et Environnement. Nous allons chercher d'autres partenaires capables de bâtir ces parcelles, comme l'INSS ou d'autres. Des maisons en étage seront construites et attribuées en location-vente aux personnes qui en ont les moyens. Nous avons jugé bon de veiller à la sécurité en matière de l'agriculture et de l'élevage et en ce qui concerne la sécurité de ceux qui ont besoin de parcelles. Et c'est pour cela que nous avons pris cette décision afin que la politique relative soit mise en place. Nous allons même appeler des investisseurs qui pourront construire et occuper en cas de besoin en location-vente au lieu de retrouver des personnes qui occupent sans rien payer. Ces mauvaises habitudes d'envahir les terres cultivables seront bannies. Nous ne voulons plus de famine alors que les terres cultivables sont disponibles. Nous allons suspendre ces attributions et appeler de nouveaux investisseurs et en dehors de tout favoritisme. Warabye abasirikare na polisi yuko guhera kuno kwezi bihagarara bizose kubona ahantu zo guca parcelle tugiye kurondera abantu babubatsi abantu bazana uburyo tubaka ibintu bigaragara biteza imbere igihugu kandi byubatswe mu buryo abarundi batekanye ngo kandi bashaka inzu bazeronka atakana umwana wa mama kandi biture bigiyemo. C'était le président de la République Pierre Nkurunziza. Page Société, à présent, plus de 600 ménages de la province Bubanza sont victimes des inondations qui ont fait parler d'elles ces derniers jours dans cette province du nord du pays. Des maisons, des objets ménagers, des champs de culture ont été endommagés. Les victimes lancent un appel aux bienfaiteurs pour leur venir en aide. Le gouverneur de la province Bubanza appelle la population à la solidarité. N'est-ce pas, Spes Caritas Kabanyana? En commune Gihanga, par exemple, les pluies qui se sont abattues dans la localité la semaine dernière ont emporté 550 hectares de cultures de riz, de maïs, de haricots, de manioc et autres. 333 maisons ont été complètement détruites, plus de 500 latrines ont débordé et se sont écroulées, comme le racontent les victimes qui disent qu'ils craignent d'éventuelles maladies des mains sales. En commune Musigati, plus de 1800 ménages disent qu'ils ne vont rien récolter. Tous les champs ont été embourbés dans les inondations et c'est sur les collines à forte pente comme Massare, Ruzimja, Kayange, Rugeyo, Michi et autres, comme le disent les administratifs à la base. En commune Rugazi, plus de 200 maisons ont été emportées par le vent. Très peu de victimes ont pu récupérer les tôles et recouvrir leurs habitations. Les autres restent hébergés chez leurs voisins qui ont des maisons en dur et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Le gouverneur de la province de Bubanza reconnaît que les pluies abondantes ont endommagé beaucoup de choses et appelle la population à la solidarité. Boutoï Terence Nobus dit également qu'il a déjà demandé aux administrateurs des communes à collecter des aides qu'ils devront donner à ces populations qui se trouvent dans la désolation totale suite aux inondations. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Toujours dans cette province, les habitants de la commune Gihanga se lamentent des débordements actuels de la rivière Kadjeke qui détruit des maisons, des champs de culture, des routes et autres. Ils disent que ces eaux qui se déversent partout devraient être stockées et utilisées pendant la saison sèche. Selon eux, si le barrage hydro-agricole de Kadjeke avait été construit comme il le fallait, ces dégâts n'auraient pas eu lieu. Le barrage hydro-agricole de Kadjeke s'est écroulé avant la finalisation des travaux il y a 4 ans. Il devait irriguer plus de 3 000 hectares de la plaine de Gihanga, régulièrement déficitaire en eau pendant la saison sèche, comme le disent les autorités locales, et plus de 12 milliards de francs bou ont été dépensés pour la construction de ce barrage. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page sportive à présent, il s'observe un manque criant du matériel de sport à plusieurs écoles dans la province Gitega ainsi que le personnel qualifié. Cela est dit par le responsable technique dans la zone de rayonnement sportif de la direction provinciale de l'éducation, de la formation technique et professionnelle à Gitega. Stanley Heshimana demande l'implication du ministère de l'éducation, de la formation technique et professionnelle et du ministère de la jeunesse, des sports et de la culture pour trouver une solution à ce problème. N'est-ce pas Gérard Nibigira? Stanley Heshimana, responsable technique dans la zone de cinéma sportif et de la direction provinciale de l'éducation, de la formation technique et professionnelle à Gitega, c'est savoir que seul le football est connu par tous les élèves des différentes écoles de la province de Gitega. Il ajoute néanmoins que le basketball, le volleyball, le handball et le rugby ne sont connus que par des élèves du centre-ville de Gitega. Pas mal d'élèves des écoles éloignées de la ville ignorent ces jeux. Il souligne également que les terrains de ces jeux sont même inexistants à plusieurs écoles rurales. À propos de l'athlétisme, Stanley Heshimana explique que son constat est que nombreux élèves ne connaissent que la course. Les autres disciplines comme le lancer du javelot, du disque et du poids étant connues en grande partie par des élèves de la ville et ceux des écoles rurales à régime d'internat. Il précise en outre que les disques, les javelots et poids sont devenus introuvables dans des écoles, sauf certaines anciennes écoles à régime d'internat qui en disposent encore, mais en très petite quantité. Pour illustrer cela, il dit que lors des compétitions interscolaires d'athlétisme, certains de ces matériels sont empruntés à l'armée. Stanley Heshimana parle aussi de l'insuffisance du personnel enseignant qualifié en sport, et ainsi le cours d'éducation physique et sport est dispensé par des professeurs non qualifiés dans ce domaine. Les élèves contactés, tout comme Stanley Heshimana, tous demandent alors l'implication du ministère de tutelle et du ministère des sports et de la culture pour résoudre tous les problèmes liés au sport scolaire. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Quittons le centre du pays vers le nord-ouest où les habitants de la colline Rugari, commune et province Muyinga demandent la relance des activités d'électrification de cette localité. Depuis une année, du matériel dont un transformateur est visible sur terrain et des pylônes attendent des fils depuis que les techniciens ont quitté le lieu. Dieudonné Zeimana, correspondance. Au centre de négoce de Rugari, des centres de santé, des établissements scolaires, des centres de religieux, usines de transformation des jus sont les quelques-unes des infrastructures en besoin d'électricité. Au marché, retentissent des bruits de groupes électrogènes et moulins. Aux abords de certains quartiers, au nord appelant Sedo Bujumbura, Tel Mutakura, Kinindo et Kiriri, des pylônes ont été installés depuis une année. Le projet d'électrification de ce centre a été lancé, du matériel amené sur terrain, mais les activités ont été suspendues. Entre autres matériels, un transformateur à même le sol, les herbes ont poussé tout autour de cet appareil. Qui en est responsable? Demandent les habitants de ce centre par où passe le fil électrique vers Kobero à moins de 10 km de Rugari. À chaque fois qu'on a cherché des éclaircissements auprès des agents de la régie des eaux à Muyinga, des voix ont signalé que cette affaire dépend des services en charge d'équipement à Bujumbura et que par ailleurs à Muyinga, on n'a pas le droit de parler au nom de la société de Muyinga. Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeimana. Et pour clore cette édition avec la page sécurité, un homme d'Inodon, Nzobonima Wenslas, âgé de 58 ans, de la colline Mutoyi, sous colline Kirehi, en commune Ugendana de la province de Gitega, s'est suicidé la nuit de ce 29 décembre à l'aide d'une corde. L'administrateur de la commune Ugendana indique que les mobiles restent inconnus vu que le défunt n'a pas laissé un écrit. Il appelle ses administrés de toujours recourir à la justice en cas de problème et d'abandonner cette ignoble pratique. Il souligne que le conseil communal va se réunir pour voir comment assister à ce qu'il laisse derrière lui. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Aimé Toussaint Mitevouti pour sa parfaite collaboration technique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.